En Corée du Sud, la cinquième action pan-nationale pour la démission de Bakounine a eu lieu le 26 simultanément dans toutes les régions comme Séoul. Plus d'un million 900 000 personnes de divers milieux, comme les ouvriers, paysans et jeunes et enfants, sont descendues dans la rue. Après avoir tenu un meeting principal devant la place Gwanghwamun à Séoul, ils ont commencé la deuxième marche d'encerclement de la Maison Bleue dans 8 passages en criant le mot d'ordre que Bakounine démissionne. Jusqu'au matin du 27, ils ont tenu une réunion de discours contre les crimes de la bande traîtresse de Bakounine, intitulée « Une nuit et deux jours, la nuit brillée par la démission, etc. » En même temps, avec la lutte de masse à Séoul, il y a eu simultanément des meetings à la bougie et manifestations sous la participation de plus de 400 000 personnes dans une centaine d'endroits de toutes les régions, comme 10 villes principales des provinces.